donc à de reprendre. Oui, mais je peux vous les envoyer par email et puis qu'on prenne un rendez-vous téléphonique par email. Bon, je crois qu'il est temps de reprendre les travaux. Donc, la session qui s'ouvre maintenant a un intitulé qui m'a laissé un peu perplexe. Parce que c'est « ré » entre parenthèses et ensuite « inventer de nouveaux outils ». Alors je me suis dit, il y a deux pistes en fait. Il y a « inventer de nouveaux outils », c'est-à-dire en fait « inventer des nouvelles catégories juridiques » ou « inventer des nouveaux principes ». Les catégories, je pense à des catégories comme le patrimoine commun de l'humanité, des questions de ce genre. Les nouveaux principes, on peut penser aux principes de précaution. Les nouvelles catégories d'intérêts protégés, on peut penser aux générations futures ou maintenant aux grands fleuves, depuis la décision de Nouvelle-Zélande et même avant d'ailleurs avec les constitutions de certains pays d'Amérique latine. Les nouvelles catégories, ça peut être aussi des nouveaux crimes comme l'écocide, donc de nouveaux interdits. Mais en fait, c'est pas de ça qu'on va parler. Je pense qu'on va parler plutôt de réinventer. Réinventer, c'est-à-dire, en fait, c'est un terme qui me fait irrésistiblement penser à un mot qui est très utilisé en sciences humaines et en anthropologie, et même en biologie, mais qu'il est beaucoup moins dans le champ juridique. Vous n'entendez pas ? Le micro n'est pas... Ah. Je pense sur le bouton, on va être on. Celui-là marche mieux peut-être. Okay. Voilà. Vous avez entendu quand même suffisamment. Alors, je ne vais pas reprendre tout, mais dire simplement que l'idée de réinventer les instruments, ça me fait penser à un mot qui est peut-être pas toujours très bien connoté dans le langage juridique, mais qui a ses lettres de noblesse avec des personnages comme François Jacob en biologie ou Lévi-Strauss en anthropologie, c'est le mot bricolage. Le vivant s'est fait, l'évolution du vivant s'est faite par bricolage, explique François Jacob. Et l'adaptation des différentes sociétés qu'étudie Lévi-Strauss s'est faite aussi par bricolage. Le bricolage, c'est très bien expliqué par François Jacob, c'est faire du neuf avec de l'ancien. Donc prendre des instruments anciens qui existent ou qui ont déjà servi sous d'autres étiquettes et faire du neuf avec. Il me semble que c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans notre domaine de l'environnement en général et du changement climatique en particulier. Alors, c'est peut-être pas très satisfaisant pour ceux qui ont une vision d'un droit parfait, pur et dur, parfaitement hiérarchisé, parfaitement unifié, parfaitement cohérent. Mais malheureusement, les données telles qu'on les connaît maintenant, avec la globalisation des grands problèmes de société, à commencer par le changement climatique, il est évident que la vieille vision du droit unifié, stable, hiérarchisé, n'est pas opérationnelle. Et en même temps, on est bien obligé de faire avec. Alors, au lieu de bâtir un droit mondial qui serait parfaitement satisfaisant, un peu calqué sur le rêve qu'on a au niveau national, la même chose au droit mondial, on a tout ce que vous avez décrit en fait depuis le début, des articulations de niveaux, tantôt la solution se trouve à un niveau national, tantôt au niveau mondial, tantôt au niveau régional, on passe d'un niveau à l'autre de façon parfaitement incohérente, les articulations se font tant bien que mal. Donc, c'est un peu autour de cela, dans cet esprit-là, que je vais ouvrir la présentation de cet après-midi. Et au fond, la question qu'on peut se poser, que je pose d'une certaine manière à tous les intervenants, c'est de savoir comment ces outils qui vont nous présenter, différents outils dont ils nous expliqueront le fonctionnement, comment ces outils inventés ou réinventés peuvent assurer la validité des systèmes de droit. Et quand je prends validité dans, vous savez, les trois sens qui ont été proposés par François Host et Michel van de Kerkhove, la validité empirique, c'est-à-dire l'effectivité et l'efficacité, la validité axiologique, c'est-à-dire la